coupe les micros, du coup. On essaye de... Tu voulais jouer quelque chose de particulier dans les trucs qu'on a fait? Non, je pense qu'on peut essayer sur ce morceau. D'accord. Je suis pas tout à fait au point. Essaye de jouer sur le 1 du morceau, là. Comme ça, on va voir si on est bien. 1, 2... Ah, tu vois, là, c'est en haut, là. La 7, 8... Bah ouais, 10. 1, 2, 3, 4... Tu démarres quand tu veux. J'ai laissé le micro allumé, merde. De mon côté, ça marche. Je me suis perdu. Ouais, ça va bien. Oui, ça fonctionne. C'est moi qui fonctionne pas là. Micro aussi. Ça marche chez toi? Tout le monde. Allô, allô. Allô. T'as le chat? Ouais. T'arrives à lire dans le chat à droite, là? D'accord. Parce qu'en fait, le chat est en direct, le micro est décalé. Même quand on met le petit microphone, c'est pas en direct, quoi. Donc, on passe à chaque fois par le serveur, donc on est là... Le micro est décalé. Par contre, quand on joue avec le métronome, on est parfaitement calé avec le métronome. Ça marchait là. D'accord. Non, mais là, ça allait. C'est moi qui ai lâché. Ouais, ça fonctionne. Je pense qu'on est calé. Ouais, on peut y aller, on peut commencer s'il y a des difficultés. Bon, des trucs. Alors, ce qui serait bien là-dessus, en fait, pour être sûr d'être calé sur la grille, en fait, ça serait de mettre le même bon nombre de mesures qu'on joue. Tu vois, là, j'ai marqué BPI 16. Ça veut dire qu'on joue 4 mesures, en fait, de 4 temps. Donc, normalement, voilà, on est censé faire que 4 mesures là-dessus. Oui. Donc normalement, à chaque fois qu'on revient sur le 1, il faudrait qu'on soit calé sur le 1, tu vois. Ça veut dire qu'on n'a pas bougé, qu'on n'a pas truc, qu'on a été réglo, quoi, avec le tempo. Et avec les mesures, avec les trucs, quoi. Mais c'est bien, c'est un super exercice, en fait, pour... Okay. T'as pas le droit à l'erreur, quoi, par contre, voilà. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on avait énormément de mal? Qu'est-ce qui avait merdé? Il y avait... Ah ouais, Have You Met Miss Jones? Mais je crois que tu t'étais décalé, je crois. Tu faisais pas les AAB, je crois que t'avais effectivement l'impression que j'étais décalé dans le... Tu faisais AB direct, allez, AB, AB. Après, tu as commencé à entendre qu'il y avait un problème. Et tu t'es recalé sur le... dès qu'on a fait l'impro. Mais juste avant, il n'y avait pas de AB. Je sais pas comment tu faisais pour te repérer, mais... mais il y avait un décalage. Hein. Ça marchait que sur le A, en fait. Ouais, mais tant... On va essayer de la faire. On va essayer de faire que les... On fait que AA pour voir si on est bien calé jusqu'au bout du A. Hein. Puis après, on reparle de nouveau. Il faut enlever le micro de nouveau. Il faut faire gaffe. Ouais. Parce que sinon, ça va merde. D'accord. A1 et A2, on fait, d'accord. Attends, merde. Attends, je vais me resynchroniser. Allez, on démarre sur le... Je te suis. Et ouais, faut qu'il y en ait un qui démarre. Je fais tourner les deux premières mesures si tu veux. Have you met me, Jones? Pa da pa pa pa pa pa pa da da. Ça marche. Quand tu veux, je te suis. Tu veux, je te suis. Yes. Deuxième A. Thank you. deuxième A. Le B. À nouveau. Thank you. ça roule, je sais pas pourquoi la batterie s'arrête, mais... Ça me faire à l'engin de torture. Tu m'entends? Je sais pas si avec le micro. Ouais, Ouais, le B est un peu flou. il n'est pas très clair là. La ligne de basse, c'est pas. On va faire que le B. Ok. Alors, je vais relancer la batterie. Décalé par rapport au 1, t'es plus sur le 1 là. T'es plus sur le 1, attends, tu te décales, tu t'es décalé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et 1. Sur le B hein, directement. Le B uniquement. Ouais, non mais ce qui est faux, c'est le si mineur mi, la huitième mesure du B, elle est pas bonne pour moi. Pourquoi? Sinon il est bien, tu rigoles, c'est un 2-5-1. Fais que le B. Sur la batterie. C'est sûr que si. C'est un 2-5-1 en la quoi. Non, elle est bon, c'est pas ça. Vas-y, refais le B quand tu veux là. On recoupe le micro de nouveau. Et tu viens sur la batterie. Oui, on essaie. 1, 2, 3, 4. Tu vois, t'es pas bon là dans les basses. C'est sol dièse, do dièse, fa dièse. Tu joues pas ça. Tu te trompes dans les notes là. Dans ta basse. Ouais, parce que je coupe le micro d'abord. Sol dièse, do dièse, fa dièse. Tu les fais pas là. Que le B en boucle, hein, que le B. One, two, three, four, one, two, three, four, one. Là, quand tu fais des petits jumps, t'es plus sur la batterie là. Voilà. T'es pas, t'es pas sur sol dièse là. You, Michel. Non, tu ne fais pas les bonnes notes là. C'est pour ça que ça marche pas. C'est toujours les sol dièse, do dièse, là tu l'aimes pas. Je sais pas ce qui te. Le 2, 5, 1 en fa dièse là. Une fois sur deux, tu fais des notes à côté mais qui sont pas dans l'accord en plus, donc ça le fait, ça marche pas. On va le faire sans batterie, très lentement, que les notes, voir si ce qui va pas. Hein? Allez. Oh, si tu veux. 1, 2, 3, 1. Tu vois, tu joues pas de fa dièse là. Je sais pas où tu es là. Alors, il y a un problème. On redémarre. 3, 4. Pas au bon moment. Moi je le fais le fa dièse. Fa dièse maintenant. 2, 3, 4. Ouais. Non, et Pierre. Pierre. On va le faire lentement. Je vais compter tous les temps. Parce que moi je mets mes doigts au bon endroit. 1, 2, 3. Non, t'es en retard là, t'es en retard déjà. T'es pas sur le métronome là. T'es pas sur le métronome, désolé, mais c'est pas possible. Non, on va se décaler, ça va pas marcher. Non, écoute, t'as branché le métronome, tu l'as remis là? Je crois pas. Parce que t'es pas sur le métronome du tout là. Voilà, ah bah ouais, ça va aider là. Parce que si on le fait sans le métronome, c'est pas possible. On est sur Jam Tadba là, t'es obligé de prendre le métronome là. Ou une batterie ou un métronome, mais il faut que tu sois calé sur le même truc que le serveur, quoi. Sinon, ça se décale pour ça. Ça va marcher mieux là. Attention, 1, 2, 3, 1. Non, sur le 1 du. Regarde le truc qui tourne là. On joue sur le premier temps, comme ça tu pourras pas dire que tu peux toi pas tricher. Il indiquera le 1. Sur le premier, tu démarres quand tu veux. One. One, two, three, four. Métronome. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 en haut. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je vois pas où est ton problème. Ouais. Là, on ne fait que des 4 temps. Là, je comprends pas là où où ça te pose problème là. Allez, alors comment je suis-moi. Écoute, je laisse-moi pas. Ah bah C'est non, normal que tu t'es vois pas pas, dessus j'en là. ai pas de problème, moi. Hein? Ah si, mais là il y a gros problème. Maintenant, je n'en ai pas, Il y a Pierre, je te gros rassure. problème là. Allez, je te le joue, Ouais. d'accord? One, écoute le métronome, écoute le métronome et joue sur le premier temps de la boucle. 1, 2, 3, 4. One, deux, trois, quatre. Non, non, t'es pas sur le 1 là, t'es pas sur le 1, non, t'es pas sur le 1, non. One. Il est passé là. Parce qu'on démarre en haut de la boucle, comme ça Pourquoi tu vas c'est voir ça? que tu te décales. Tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu n'es pas sur le métronome. Tu vois, là, il compte. 1, 2, 3, 4, 1 maintenant. Il a commencé la boucle. Je te la recompte encore une fois. 1, 2, 3, 4. Non, attends, je vais te dire où j'ai la boucle, moi. Non, on n'est pas au Non. même endroit sur la boucle. 1, 2, Parce qu'on n'a pas 3, le bon même 4, nombre de 1, mesures. Attends, ça 2, marche pas. Ça 3, marche pas. 4, 1, Attends 2, deux 3. secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 mesures, donc ça fait 32. Alors là, tu vas démarrer. On va avoir le même 1. Là, on ne pourra pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. À 32, ça démarre. 4. Trois, quatre. Trois, quatre. Deux, trois, quatre. C'est toi qui va pas là. Sol dièse, Do dièse, Fa dièse, Do, Fa, Si bémol, Si, Mi, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Tant que t'es pas avec moi ou je comprends pas là. J'ai laissé le micro. Ah non, moi pas du tout. Attends un peu, ça fonctionnait en plus? Attends, c'est peut-être parce que j'ai laissé le micro par contre. Attends, Moi je écoute, suis avec je toi, vais tourner t'entends la avec boucle à moi. partir du 1. Je sais pas si ça démarre en même De temps mon chez toi ou côté, pas. ça fonctionne. Je démarre directement sur le premier temps. Et je vais essayer De d'enregistrer mon la côté, ça boucle. fonctionne Comme bien. ça, on pourra causer. 1, 2, 3, 4. Attends, j'ai loupé le premier temps. Je reprends le prochain. Ouais. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Attends, j'ai coupé le premier temps. Bon, et je reprends de toute le façon... prochain. Si, si, mais... Ouais. Et de toute façon, Pierre... 1, 2, 3, Pierre. 4, 1, 2, 3, 4. Attends, j'ai coupé le premier temps. Je reprends le... Ok. Ok, ça roule. Là, ça marche. Ah, là, j'avais mes bonnes notes, là. Au bon endroit. Ah, là, ça, on est d'accord. Ça roule, là. Bon, mais c'est, ça fonctionne, là. Là, ça marche. Allô, allô. On essaie de faire tourner la grille en entier. Avec une batterie. Ouais, je t'entends. Tu tu veux faire aussi déjà? Ah ouais, 20h30 déjà. Ah ouais, on a mis trop de temps pour se paramétrer là. Ouais, tu C'est m'entends? bon. Tu m'entends? Non, et Pierre, je vais m'arrêter Ouais. là, je vais me faire fusiller sinon. Ouais, non, mais là, bon, en tout cas, là, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème Ouais, de latence, là, par demain contre. j'ai Là, du temps par tu contre, vois, hein, là. si tu veux Là, on est qu'on tranquille. refasse tout ça, je pense que ça va finir par passer quand même. Mais moi, là, c'est plutôt. Non. Ah ouais, mais il n'y a pas de raison. Non, non, il n'y a pas de raison. Moi, je t'entendais Moi, je décaler, hein. pense Je que ça t'entendais sur le. fonctionne, mais J'avais pas les bonnes notes, là. moi, de mon côté, Ouais. ça marche Non, mais pas tout plutôt, le temps. Hein. Là, hein, les j'entends trois, quatre dernières correctement. grilles, quand j'ai mis la loupe en route, là, t'as démarré après à te mettre là-dessus, et après, c'était bon, quoi. Et ouais, c'est ce que tu me dis à Donc, chaque oui, fois. donc, C'est ce que ça va tu me venir, dis à ça va chaque venir. fois. Là. Je sais pas, ça va être un peu le bordel, parce qu'il faut que je. Faut que je cherche la voiture, j'ai D'accord. la voiture au garage, c'est le bordel. Donc, je sais pas vers quelle heure, du Ok. coup, je vais pouvoir la Bon, bah reprendre, écoute, mais on essaiera, demain, ouais, t'es on dispo essaiera de comment, se. toi? Bon, mais c'est pas grave.